Chapitre 17. Retour sur Terre. Après avoir pris congé de Raphaël, l'enfant et Hänsel Eck se remirent en route à travers champs, respirant cette fois à plein poumon l'air frais du soir. Bien qu'ébloui encore par les merveilles qui venaient de lui être révélées, le statuaire revit avec une joie extrême la verdure et le jour. Il se sentait chez lui en foulant de nouveau la terre, et je crois que si personne ne l'eût pu voir, il aurait embrassé quelque arbre du chemin. Le soleil s'était-il attardé en route? Je ne sais, mais il descendait en hâte vers l'horizon où sa couverture était faite, ébauchant de tous côtés des silhouettes longues à n'en plus finir, et remplissant d'ombre les sillons. « Nous n'avons pas un instant à perdre, » dit Emmanuel. « Pressons le pas, la nuit arrive, et nous avons bien des choses à faire avant le retour du jour. » Deux chevaux qui tondaient l'herbe sur le bord de la route levèrent la tête en entendant le pas des voyageurs. L'un, blanc de robe, avait la crinière et la queue noire, l'autre, noir de poils, avait les crins entièrement blancs. D'un bond gracieux, ils franchirent le fossé qui longeait la route et vinrent en trottant au-devant des voyageurs. À quelques pas d'eux, ils s'arrêtèrent et se tinrent immobiles en travers du chemin comme pour inviter à les monter. « Ansel, cher maître, j'ai toujours de ce côté quelques chevaux prêts. Nous avons bien du chemin à faire avant la nuit. » Hänsel ouvrait de grands yeux étonnés qui eussent pris de bien autres proportions encore s'il avait pu distinguer les délicieux angelots qui tenaient les chevaux par la bride. « Je me demande comment je puis être encore surpris de quelque chose après tout ce que j'ai vu depuis ce matin. « Qu'entendez-vous par ce matin ? « Voilà le soleil qui se couche. Il doit être 7 heures où j'ai perdu la raison. « Le temps vous a paru court. J'ai lieu d'en être flatté. Il y a un mois que nous voyageons. « Un mois, vous voulez rire ? « Pousse-t-il aux gens du soir au matin une barbe comme celle qui vous pend au menton ?» Hänsel porta la main à son visage et faillit tomber de cheval, tant sa surprise fut grande. Une barbe épaisse lui couvrait la poitrine. « J'ai passé un mois sans manger, sans dormir. » Les chevaux partirent ventre à terre, battant les oiseaux à la course, et de beaux coups. Hänsel s'était bien promis d'examiner attentivement le chemin qu'il allait parcourir, afin d'en retrouver la trace. À droite, je vois un village, son église tout habillée de lierre, cette cascade qui prend sa source dans les nuages, ce château en ruine, ce massif d'arbres verts, cette ville immense aux 1000 clochetons scintillants. Ce gouffre que nous avons franchi, cette lande, tout cela me sera facile à reconnaître, s'était dit le sculpteur, mais avant qu'il eût tourné la tête, village, cascade, château, forêt, ville immense, gouffre, lande, tout avait disparu pour faire place à une colline couverte d'acacias jaunes et roses, au pied de laquelle jasait un ruisseau. Ces arbres cachent sans doute le pays que j'ai vu, mais je reconnaîtrai ces immenses champs de maïs encadrés d'aubépines, ces pâturages, ces vignes, cette ferme, ces jardins remplis de fleurs et de fruits aux couleurs vives. Avant qu'une minute se fût écoulée, la terre cultivée avait fait place à une grève aride qui servait de marge à l'océan. Comment oublier ce site merveilleux ? Et Hänsel, se retournant, vit qu'il venait de traverser une gorge profonde. La route s'étendait derrière lui à perte de vue. Les chevaux galopaient cette fois entre deux rochers à pic dont le sommet trouait les nuages. L'artiste comprit que ses efforts seraient inutiles. Quelque chose de surnaturel se passait encore autour de lui. Il ferma les yeux et se laissa emporter. Vous paraissez accablé de fatigue. Non, vraiment, mais le paysage change avec une telle rapidité que je ne puis le regarder sans avoir le vertige. Cela ne vous surprendra pas quand vous saurez que chacun des bonds de nos chevaux nous rapproche de 10 lieues de notre but. Il n'y a pas de meilleur trotteur que ceci. La lune lançait son premier rayon quand les voyageurs s'arrêtèrent. Au loin, dans la brume, miroitait Münster, toujours attaqué, toujours imprenable. Autour de la ville assiégée brillaient les feux des campements du prince-évêque. À quelques pas de lui, Hensel vit avec surprise le bloc de marbre blanc choisi par Emmanuel.